Nyang. Nous sommes mardi 2 février. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 115 millions de francs burundais collectés dans 10 communes sur les 119 que compte le Burundi dans la semaine baptisée témoin par le ministère de l'Intérieur. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition également, nous revenons sur la loi du 23 janvier de cette année relative à la réinstitution du Conseil des notables collinaires. Les mains d'un enfant de 7 ans de Gikomero en commune Tangara de la province Ngozi ont été brûlées par sa propre mère, a fait dénoncer par l'administration communale. Dans la chronique santé de ce mardi, le docteur Théophile Naomagaze, chirurgien viscéral, nous parlera de l'occlusion intestinale. La mise en onde de cette édition est assurée par Erika Dogo. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, parlons coopération pour débuter cette édition. Rencontre ce mardi entre le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, et la délégation de l'Union européenne au Burundi, présidée par Claude Bochou. Et c'est un dialogue politique visant à honorer leur engagement et respect mutuel. Suivez le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération, Albert Shingiro. Pour notre part, il me plaît de vous réaffirmer la ferme volonté du gouvernement burundais en revenant sur la déclaration de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de l'échange des vœux avec le corps diplomatique et consulaire le 29 janvier 2001. Vous êtes sans ignorer, Excellences, Mesdames, Messieurs les participants, que ce qui nous unit ici est plus profond que ce qui nous divise. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue. Nous devons décoller nos pieds du sol et travailler d'arrache-pied afin de conclure ce dialogue dans les plus brefs délais. Nous avons donc le devoir du résultat. Pas n'importe quel résultat, mais du bon résultat. C'est ce que nos peuples attendent de nous. Nous sommes présentement réunis pour donner suite à nos engagements mutuels, dont la finalité est donc d'aboutir à une compréhension mutuelle et au soutien réciproque caractérisé par une plus grande souplesse dans l'allocation des ressources. Notre volonté est d'avancer avec la ferme détermination d'aboutir au réchauffement et à la normalisation des relations avec l'Union européenne, avec les États membres pris individuellement. Notre devoir partagé est de cimenter davantage et de les remettre au niveau le plus élevé possible dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Et le point d'achèvement dont il est question ici, c'est bel et bien la normalisation des relations d'amitié, de coopération entre le Burundi et vos pays respectifs. Le dialogue politique franc et sincère et le partage des valeurs universelles constituent des atouts majeurs pour une normalisation rapide de nos liens d'amitié et de coopération, une coopération que nous souhaitons mutuellement avantageuse et respectueuse. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération, Albert Shingiro, et cette rencontre va être sanctionnée par un communiqué final qui est en cours de lecture. Nous reviendrons sur ce communiqué final dans nos éditions de la soirée. En page gouvernance, plus de 115 millions de francs burundais, le montant collecté au cours de la semaine témoin pour la collecte des recettes communales pour 10 communes sur les 119 que compte le Burundi, annonce est faite ce mardi par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique lors de la présentation des résultats de cette semaine. Pierre Nkurikiye indique que cette activité va être organisée dans tout le pays pour enflouer les caisses communales. Suivez. Un montant de 115 073 550 francs de recettes communales a été collecté, soit un surplus de 65 349 275 francs burundais, équivalent à 131% des recettes communales qui étaient perçues au cours de la semaine précédente, donc la semaine du 14 au 18 janvier 2021, sur les mêmes points de collecte, ce qui signifie que plus de la moitié des recettes communales qui devraient être collectées ne le sont pas. Ou alors, si elles le sont, ces recettes ne sont pas déposées au compte des différentes communes. Les nouveaux percepteurs déployés au cours de cette semaine témoins se sont acquittés de leurs tâches avec brio, et c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique vient de décider de continuer à les utiliser pour la collecte de ces recettes jusqu'à nouvel ordre. Et s'ils continuent à le faire de façon excellente, ils pourront même remplacer définitivement les anciens percepteurs de fire. Sur base de ces résultats très satisfaisants de la semaine témoin, le ministère informe le public que cette activité va être étendue sur tous les points de collecte des recettes de toutes les provinces du Burundi. Vous avez constaté que l'activité n'avait concerné que 10 sur 119 communes, dans le but de continuer à renflouer les caisses de la commune. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, au micro de Moïse Misago, toujours en page gouvernance. La mise en application d'un projet de pavage devant chaque parcelle de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura s'est évaluée aujourd'hui à plus de 20% après son lancement officiel il y a 2 mois. Là, selon l'administrateur de cette commune, Renova Sindai Hebura, les quartiers centre-ville et asiatique viennent en premier lieu dans l'exécution de ce projet. Il signale que tout le monde devrait utiliser des briques pour le pavage approprié dans le but de montrer une belle image de la ville de Bujumbura. Renova Sindai Hebura précise qu'il n'a pas mis en place une commission chargée de la mise en application de ce projet de peur des spéculations. Suivez-le au micro de Vestine Outoï. C'est un projet qui a été discuté avec le maire de la ville de Bujumbura. Nous avons considéré la commune Mukaza comme une commune pilote et principalement la zone d'Orohero qui abrite presque toutes les infrastructures publiques ainsi que de grands magasins et de grands hôtels. C'est pour cette raison que nous avons commencé par cette zone dans un vaste programme de salubrité qui consiste à assainir notre commune. Alors, nous ne voulons pas que notre population continue à admirer les villes de l'extérieur de notre pays, parce que les gens qui ont déjà voyagé vont vous dire que Dubaï c'est une très belle ville, alors que toutes les constructions qui sont dans ces villes sont aussi ici dans notre ville, et c'est seulement la façon dont nous essayons d'embellir notre ville qui fait la différence. Alors on veut que notre ville puisse se retrouver sur le rang de grande ville du monde. Et ce projet de pavage devrait se faire comment? Ce projet consistait à y mettre deux petites briquettes appelées communément pavés. Mais ce ne sont pas des pavés comme les pierres ou des pavés qui consistent à mettre des bétons, parce que vous savez que dans ce genre d'espace, il y a dans le sous-sol des installations et autres choses. Nous voulons y mettre ce genre de pavés parce que ces pavés peuvent être enlevés facilement quand on a besoin d'effectuer une réparation quelconque. On veut que ça soit presque uniforme. On ne dit pas uniforme parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait une influence quelconque. On a donné la liberté à chaque propriétaire de parcelle de s'approvisionner où il veut, tout en respectant le minimum des règles exigées. D'après le lancement officiel de votre projet, vous pouvez évaluer ce projet à quel niveau? Pour le moment, on constate qu'on est entre 20 et 30% au niveau de l'exécution. Mais ce qui nous encourage, c'est que chaque jour, on voit qu'il y a une personne qui a débuté avec cette activité. Quels sont les quartiers qui viennent en avant dans la mise en application de ce projet? Les habitants du quartier asiatique et du quartier centre-ville sont en tête sur la liste des quartiers qui exécutent ce projet et nous interpellerons d'autres quartiers, d'y mettre du sérieux. Y aurait-il des inconvénients pour ceux qui ne mettraient pas en application ce projet? Pas d'inconvénients comme tel, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui sera sanctionné parce qu'il n'a pas fait ça. On veut juste continuer à sensibiliser la population pour qu'ils comprennent le projet. Mais vous savez toujours que dans toutes les sociétés, il y a des récalcitrants. Et pour ces récalcitrants, on pourra s'asseoir ensemble avec tous les partenaires pour voir ensemble ce qui peut être décidé pour ce genre de personnes qui sont normalement des récalés de la société. Isanganiro. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page justice. Les Bashinganahe portent désormais le nom d'Abahuza de la colline ou du quartier. C'est le contenu de la loi du 23 janvier 2021 portant complément des dispositions du code de procédure civile relative à la réinstitution du conseil des notables collinaires. Cependant, ce texte précise que le conseil des notables ne peut en aucun cas se prononcer sur des peines. Francine Dihokubgayo pour plus de détails sur le contenu de ce document. C'est l'article 6 de ce texte qui stipule que le conseil des notables n'a pas les prérogatives de se prononcer sur des peines. Le mode et les conditions d'élection, d'éligibilité et de remplacement des membres du conseil des notables sont déterminés par décret présidentiel, mais ils se comptent à 15 sur chaque colline ou quartier. De plus, l'article 3 de cette loi stipule que la durée du mandat des membres du conseil des notables est indéterminée. Cependant, la qualité de membre du conseil des notables notable peut se perdre en cas de décès, les manquements graves à sa mission, la condamnation à une peine, l'incapacité physique ou cognitive, l'indisponibilité, la démission et toute autre cause pouvant entacher l'honneur du conseil. Avant d'être révoqué, le membre est préalablement entendu par le conseil des notables. Ce texte montre également que le mandat des membres du Conseil des notables est gratuit, mais qu'ils peuvent bénéficier d'un encouragement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. En effet, la procédure devant ce Conseil ne donne lieu à aucun frais. Le Conseil des notables est particulièrement chargé de recevoir des plaintes des parties en litige et donner son avis sur toutes les affaires civiles de la compétence des tribunaux de résidence, procéder à la conciliation des parties en conflit lorsque le litige n'est pas de l'ordre public et ne touche pas aux bonnes mœurs. Ils peuvent aplanir un conflit et prononcer des dommages et intérêts. En cas d'échec de la conciliation, la partie lésée peut saisir le tribunal compétent en ayant 15 jours à compter du jour de la réception du procès verbal. Francine Diokoubgayo, je vous l'avais annoncé en titre, une femme de la colline Gikomero en commune Tangara de la province Ngozi a brûlé les mains de son fils de 7 ans par le feu. Selon l'administrateur de cette commune, cet enfant est accusé par sa mère d'avoir volé du maïs dans un champ d'un voisin. C'était dimanche. L'accusé ne nie pas les faits, dit plutôt qu'elle a été induite en erreur par la colère. Et l'administrateur de la commune, Salvatore Agnagamagara, conseille aux parents d'éviter de telles sanctions. Le point avec Apollinaire Muzagar. Cette femme de 30 ans est rentrée le soir ce dimanche. Elle a trouvé toute une foule de personnes chez elle qui accusaient son fils de 7 ans d'avoir pris dans le champ de son voisin 13 maïs, très fâché par le fait qu'elle avait dernièrement payé une somme d'argent pour le même motif, car le même garçon avait volé 32 maïs. Joseline a allumé le feu et y a plongé les mains de son gamin, mains qui ont été réduites en viande bien grise. Cette femme a été par après appréhendée, puis conduite au cachot de la police judiciaire de Tangara. Salvatore Agnagamagara, administrateur communal, demande aux parents d'éviter de traumatiser leurs enfants par des sanctions trop sévères. Il y a à peine 2 semaines, un homme de la commune Kiremba, limitrophe de Tangara, a brûlé les mains de son fils, l'accusant lui aussi d'avoir volé de la nourriture dans la marmite. Dans un procès de flagrance, le tribunal de grande instance de Ngozi l'a condamné à 3 ans de prison et une amende de 50 000 francs. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Apollinaire Muzagara, rendons-nous cette fois-ci en province Bubanza pour parler sécurité. 19 grenades, 4 fusées et 414 munitions sont des armes qui ont été collectées l'année dernière dans les communes de la province Bubanza par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. CNAP en sigle, ceci a été dit ce mardi par le représentant provincial de la CNAP à Bubanza. C'était lors de la clôture des activités de sensibilisation sur le désarmement des populations civiles, des activités qui avaient commencé dimanche. Anita Chongera, coordinatrice nationale au sein de la CNAP, plutôt apprécie le pas déjà franchi dans le désarmement des populations civiles, mais lance un appel à toute personne qui soit encore en détention d'une arme de l'armée pour son bien, pour le bien de sa famille et de tout le pays. En province Kayanza, le taux de fréquentation des jeunes des centres sanitaires dits centres de santé amis des jeunes mis en place via le projet Menyumenyeche est de 23%, un faible taux selon Nzogira Antoine Marie, superviseur provincial de la mise en exécution de ce projet, qui ajoute que ces centres de santé sont chargés d'enseigner les jeunes adolescents relativement à la santé sexuelle et reproductive. Et André Florian Dabarushimana, coordinateur du projet en province de Kayanza, indique qu'une nouvelle approche a été mise en place pour relever ce taux jusqu'à au moins 80%. Le point avec Patrick Nsengium va depuis Kayanza. L'adolescence est une période d'âge difficile à gérer chez les jeunes sans l'intervention de toutes les parties qui sont chargées de l'éducation des enfants. Ce sont les propos de Nzogira Marie-Antoine, superviseur provincial du projet Menyumenyeche dans le domaine de la santé à Kayanza. Il fait savoir que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de santé et de la reproduction, a mis en place un projet dit Menyumenyeche qui est chargé de fournir aux jeunes adolescents toutes les informations nécessaires en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Nzogira Marie-Antoine indique que jusqu'à aujourd'hui, environ 20 centres de santé amis de jeunes ont été déjà mis en place en province sanitaire de Kayanza. Son responsable précise également que ces structures de soins ont un personnel suffisamment formé pour bien servir les jeunes adolescents qui les fréquentent. Et les services rendus à ces jeunes, on peut citer par exemple les conseils liés aux conséquences de la sexualité comme la contamination des maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les mariages précoces, explique Nzogera Marie-Antoine. Pourtant, les responsables au bureau provincial de la santé à Kayanza déplorent le fait que le taux de jeunes adolescents qui se confient à ces structures de soins reste encore bas. Certains jeunes contactés à ce sujet ont parlé de l'ignorance de l'existence de ce centre de santé amis de jeunes et leur importance. D'autres, surtout les jeunes filles, ont prétexté le candidaton des adultes qui les rencontraient dans ces structures de soins en train de subir une formation sur la santé sexuelle et reproductive. André Florian Dabarushimana, coordinateur du projet Menumenyesh à Kayanza, dit qu'avec la nouvelle approche d'enseignement dite approche globale, ce taux de fréquentation des centres de santé amis de jeunes passera de 20 à 80%. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. De Kayanza, rendons-nous en province Gitega où certains éleveurs qui vendent les bétails au marché de bétail de Lutegama en commune et province Gitega s'insurgent contre des commissionnaires de vaches qui leur exigent des commissions. De l'autre côté, d'autres éleveurs disent que ces commissionnaires sont utiles pour la sécurité de leur bétail. Quant aux commissionnaires, ils demandent à l'administration de les aider à se regrouper en association pour qu'ils puissent eux aussi payer les taxes. Le point avec Fidèle d'Antoine Sabiman. Les commissionnaires de vaches au marché de bétail construit sur la colline Rutegama sont à l'origine de la montée des prix de vaches sur ce marché pour certains éleveurs et acheteurs, comme le confirme cet éleveur. Les commissionnaires viennent étant au nombre de 5 ou 10. Quand tu n'acceptes pas ce qu'ils te disent, tu ne vends pas ta vache ou bien ils t'exigent combien tu dois leur donner comme commission. De l'autre côté, les éleveurs trouvent que ces commissionnaires sont nécessaires, disant qu'ils aident à garder les vaches au marché. Je pense que ces commissionnaires ne font rien de mal. Si tu amènes 2 ou 3 vaches, le commissionaire vous aide à vendre une. Il nous faut un coup de main. Pour ces commissionnaires qui nient être à l'origine de la hausse des prix du bétail, l'État devrait les aider à se regrouper en association pour qu'ils puissent eux aussi payer les taxes au lieu de les sacher sur ce marché. Si un patron vient et vous dit le prix qu'il veut, tu le vends. S'il faut qu'on paye les taxes, on va payer au lieu de nous chasser car ça nous fait vivre. Docteur Jacques Ndouimana, administrateur de la commune Gitega, dit qu'il ne peut pas tolérer ces commissionnaires qui prennent en otage les éleveurs. Nous observons ces derniers jours la montée du prix du bétail à cause des commissionnaires. Cela a un effet négatif sur le prix du kilo de viande, de même que le prix du brochette. Ce comportement des commissionnaires est intolérable. Vous saurez qu'une 50aine de commissionnaires avaient été appréhendés ce lundi avant d'être libérés sous condition de ne plus se présenter sur ce marché de bétail. Radio Isanganiro, chronique santé. Une occlusion intestinale est une obstruction partielle ou totale de l'intestin grêle ou du côlon. Docteur Théophile Naumagaze, chirurgien viscéral, précise qu'il y a plusieurs causes, notamment les tumeurs malignes ou bénignes du grêle ou du côlon. Il ajoute également que ce blocage empêche les aliments, les liquides et les gaz de circuler normalement au niveau de l'intestin et les douleurs abdominales et vomissements sont certains symptômes de la maladie. La chronique santé signée Ornella Mouchou. Lorsque le transit intestinal est bloqué, on parle d'occlusion intestinale. Le chirurgien viscéral Théophile Naumagadze fait savoir que l'occlusion intestinale est due à différents problèmes comme les tumeurs. La cause peut être un obstacle endoluminal, donc à l'intérieur de la lumière de l'intestin. Ça peut être un corps étranger, ça peut être un calcul biliaire, ou bien ça peut être un obstacle pariétal, par exemple une tumeur bénigne maligne du greffe ou du côlon, ou bien ça peut être une compression extrinsèque, donc c'est par une tumeur d'un organe de voisinage ou par une adhérence post-opératoire qui vient comprimer l'intestin. On peut aussi trouver des occlusions par strangulation, donc qui peut s'agir d'un volvulus, d'un étranglement ou d'une invagination intestinale. Dans ces cas, l'occlusion va aussi intéresser les vaisseaux du mésentère. Les causes de l'occlusion intestinale peuvent être liées à d'autres maladies secondaires. On peut aussi trouver ce qu'on appelle des occlusions fonctionnelles, qui sont des occlusions secondaires à une paralysie de la motricité intestinale. Dans ce cas, l'intestin en soi n'a pas d'obstacle mécanique. Ça peut être dû à une inflammation de la cavité péritonéale, ça peut être dû à un réflexe, donc réflexe dû à la douleur, ou bien ça peut être d'ordre métabolique comme une hypokaliémie. Selon Dr Naomagadze, une occlusion intestinale provoque d'importantes douleurs abdominales. Le premier symptôme, c'est d'abord des douleurs abdominales. Donc, c'est une douleur qui est colique, paroxystique, avec des épisodes de soulagement. Donc, la durée de l'épisode de soulagement dépend du site d'occlusion. Le site de douleur peut être généralisé, soit dans tout l'abdomen, ou bien localisé, soit au site de l'occlusion. Et avec l'augmentation de l'intensité de la douleur, on passe souvent à une occlusion étranglée. Donc là, le début est trop brutal. Le deuxième symptôme, ce sont les vomissements. Le troisième symptôme, c'est l'arrêt des matières et gaz. C'est le maître symptôme le plus constant, même le symptôme qui va inquiéter le malade. Le quatrième symptôme, ce sont les ballonnements abdominaux. Les adultes sont les plus touchés par cette maladie par rapport aux enfants. Normalement, pour le nouveau-né, c'est souvent congénital, comme une atrésie intestinale, comme on l'a dit. Les enfants un peu âgés, c'est souvent une invagination. Mais les adultes sont les plus touchés parce que ce sont eux qui ont beaucoup de chances d'avoir des tumeurs intra-abdominales ou bien qui ont subi une intervention chirurgicale intéressant l'abdomen, augmentant ainsi les chances d'avoir une occlusion intestinale. Dans notre prochaine chronique santé, ce spécialiste vous parlera du traitement ainsi que des conséquences une fois cette maladie maltraitée. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.